Petit bonheur et histoire de couple ce vendredi 18 novembre à La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, comme à tous les vendredis, pour plonger avec vous dans l'univers du 9e art. Un univers qu'on observera en deux styles radicalement différents cette semaine. En deuxième partie d'émission, on portera un regard sur la première publication à caractère BD de l'illustratrice Anna Roy. Un nom que vous avez peut-être vu passer si vous êtes féri d'illustration ou de t-shirt un peu design. Un nom qui a réussi à s'imposer quand même assez rapidement là, depuis l'an dernier, en fait, à travers des illustrations à caractère assez positif de manière générale, et sa première publication à caractère BD aux éditions Mécaniques Générales est un peu dans cette suite-là, c'est les petites choses, donc on parle d'un livre, d'une liste essentiellement de petits bonheurs, les petits bonheurs du quotidien qui font finalement qu'on est peut-être plus heureux, surtout si on prend le temps de les remarquer plutôt que d'oublier d'autres éléments qui peuvent être un peu moins agréables, on peut quand même se raccrocher à tout ça. Alors, ça donne un livre qui est très positif, un livre d'illustration un peu dans la veine de ce qu'on avait vu d'ailleurs ces derniers temps du côté de Clément Goljac, notamment aux éditions La Mauvaise Tête, donc d'ailleurs d'histoire entre autres. Alors, des livres qui lorgnent peut-être un peu plus vers l'illustration, donc on parle d'une illustration avec un texte, mais bon, on n'a pas envie d'avoir une définition non plus absolument stricte de la BD, et en plus on va vers l'illustration, alors ça nous paraissait un peu incontournable d'en jaser. Alors ça sera en deuxième moitié d'émission, on va jaser de bonheur, c'est le fun, ça fait changement d'autres thématiques, et dans un premier temps, en fait dans quelques minutes, là, on va jaser avec Jimmy Beaulieu. Donc autour d'un album qui s'appelle Rôle de composition, et son tout dernier, un album sur lequel il a vraiment peaufiné, a travaillé son travail graphique, son travail visuel, un album qui d'ailleurs lui-même en fait utilisait l'expression plus aboutie pour lui sur le point de vue du dessin, une narration qui nous amène dans l'univers du couple, de façon évolutive, donc sur une période de 5 ans, donc des meilleurs moments à des moments franchement moins meilleurs, et on survole un peu tout ça, avec, entre autres, au départ, à tout le moins, les manifestations de 2012 à Montréal, là, en trame d'arrière-fond. Alors, ça donne un album très intéressant, visuellement aussi assez différent, dans la continuité, mais différent en même temps de ce que Jimmy nous avait offert dans ces dernières années. Alors, on avait aussi très envie de vous en parler, et en même temps, ça nous donne une excuse pour jaser avec Jimmy Beaulieu. Parenthèse, les deux entrevues ont été enregistrées la semaine dernière, alors qu'ils étaient de passage pour une séance de dédicace ici à Québec. Alors, c'est le menu pour l'émission de cette semaine, le tout matiné également de quelques commentaires à caractère BD. Dans l'actualité, cette semaine, on parle notamment du décès de Richard Medioni, un des piliers de Pif Gadget, journaliste qui est décédé d'un cancer le 13 novembre dernier à l'âge de 69 ans. Il est entré aux éditions Vaillant en 1968 à 21 ans, participé à la création en 1969 de Pif Gadget avec son fameux Gadget d'ailleurs. Il a été rédacteur en chef du magazine de 71 à 73. Ensuite, il s'était tourné après son départ vers l'édition de Beaux Livres. Alors voilà, donc un autre départ qui s'ajoute quelques-uns en fait qu'on a connus depuis le début de l'année. Là, on s'entend que c'est pas une année extraordinaire de ce côté-là. Malheureusement, beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors, c'en est une de plus. Sinon, dans un registre peut-être un peu plus positif, les votes des 88 membres actifs de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, la CBD, ont fait connaître leur voix. Première étape, donc, dans la démarche qui mènera à la sélection de l'album qui obtiendra le Grand Prix de la critique à CBD 2016, une association dont j'ai d'ailleurs le plaisir de faire partie. Alors, une récompense qui vise, je le rappelle, à, et j'ouvre les guillemets, soutenir et mettre en valeur dans un esprit de découverte un livre de bande dessinée publié en langue française à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté ou le propos des moyens que l'auteur y déploie. Alors voilà, essentiellement parle d'une sélection de 15 titres. Je vais vous les lire, vous les mentionner. Je mentionne aussi d'emblée que si vous n'avez pas le temps de tout noter, tout est répertorié sur mon blog avoir.ca/Raymond-Poirier. Alors, vous pouvez trouver la liste complète de ce côté. Alors, la liste, je me lance et ça fait toujours des belles suggestions de lecture, surtout que la fin d'année de l'année arrive. Alors, on parle de l'anniversaire de Kim Jong-il, de Mélanie Halag et Aurélien Ducoudray. On parle de l'été diabolique d'Alexandre Cléris et de Thierry Smolderen. On parle de Coban Calling de Zéro Calcar, de La légèreté de Catherine Meurice, de Tout tombe deux de Melville, l'histoire de Saul Miller de Romain Renard, de Monsieur Désir de Virginie Augustin et Hubert, de L'odeur des garçons affamés de Frédéric Peters et Lo Wei Fang, de Patience de Daniel Klaus, de Pereira prétend de Pierre-Henri Gaumont, c'est d'après Antonio Tabucci, du rapport de Brodeck, le tome 2, L'indicible de Manu Larsenet, toujours d'après Philippe Glodel, de S'enfuir, récit d'un otage dont on vous parlait d'ailleurs la semaine dernière, donc de Guy Delisle, de Shangri-La de Mathieu Bablet chez Ankama, d'Un bruit étrange et beau de Zep, et enfin des voyages d'Ulysse d'Emmanuel Lepage, René Follet et Sophie Michel. Alors, prochaine étape, on en reparlera dans les prochaines semaines puisque ça va être au Festival BD Boom à Blois prochainement, donc où se décidera une sélection de 5 titres, et ensuite de ces 5 titres, il y aura un dernier titre qui sera le grand gagnant. Et puisqu'on est dans les prix, il y a aussi les finalistes du prix Jeunesse des libraires 2017 qui a été dévoilé. Alors, on parle donc des finalistes. Je vais peut-être me rester plutôt dans les catégories jeunesse, là, puisque ça concerne surtout les livres illustrés. Là, on parle du catégorie Québec, Linda Bailey, Geneviève Godbout chez Scolastique, Quand le Père Noël était petit. Chez Comme des géants, Mathieu Lavoie, Toto veut la pomme. Et chez La Bagnole, Deux garçons et un secret d'André Poulain et Marie La France. Et du côté hors Québec, chez Scolastique, on parle de La princesse et le poney de Kate Beacon, de Petit Elliot dans la grande ville de Marc Mike Curato chez Casterman, et d'Interdit aux éléphants de Lisa Manchev et Taoun Yu, donc chez Des éléphants. Et mention également du Facteur de l'espace qui, lui, est finaliste dans la catégorie Québec 6 à 11 ans pour le Facteur de l'espace. Et aussi la collaboration entre Julie Rochelot et Samuel Archibald du côté du Cartanier, le Tommy l'enfant-loup et les aventures de Bill Bilodeau, l'ami des animaux, qui est également finaliste de ce côté. Alors, ça sera à suivre également là, pour ce qui est des gagnants. Eux seront connus à la fin du mois de février. Et tiens, dernier clin d'œil de l'actualité, on parle de Bob Moran Renaissance. Malgré le succès commercial des deux premiers tomes, le Lombard a annoncé tout récemment que Luc Brunschwig et Aurélien Ducoudray ne réaliseront pas le troisième tome. Alors, tout de même peut-être une surprise, là. Alors, le troisième tome, attendu en 2018, sera signé Armand, mais donc sans co-scénariste. On dit, je cite, « Le succès commercial a été au rendez-vous et bien entendu, c'est la priorité pour un éditeur comme le Lombard. Nous estimons que notre travail doit être basé sur une relation de confiance et de respect mutuel avec les auteurs. Malgré nos efforts répétés pendant plus de 2 ans, il est impossible d'instaurer une telle relation. » Alors, voilà. Donc, ce qui a justifié la décision de l'éditeur. Alors, voilà pour ces quelques clins d'œil à l'actualité. On s'en va maintenant en musique. La formation qui nous accompagnera cette semaine, en fait, c'est Philippe Braque qui va faire un album 8 bits. Alors, on en profite et on vous propose un extrait donc de Bienvenue à Enfantville pour débuter la vie en BD.

vraiment joli, vraiment quelque chose d'agréable à voir parce que on sentait que l'auteur avait vraiment volonté de jouer, de s'amuser avec la structure des cases, avec le regard qu'on portait en décomposant, si on peut dire, sur essentiellement une page, deux pages, des parcours de case en case, mais qui formaient un paysage global et dans lequel on allait retrouver sporadiquement les personnages. Alors ça donnait un objet qui était très intéressant, très stimulant à regarder, très très très surprenant peut-être un peu, versus de la BD un peu plus traditionnelle. Et avec Elisa et Selma, c'est un peu dans le même registre. La page couverture, en fait, nous présente des labyrinthes, et on peut se poser initialement la question, pourquoi nous présentons des labyrinthes? Va-t-on se retrouver dans un univers de labyrinthes? Et dans le cas de cette BD-là, c'est vrai, mais c'est vrai littéralement, dans la mesure où pour les personnages, eux ne se sentent pas, ne se retrouvent pas implicitement dans ces labyrinthes-là, mais par contre, pour nous, le lecteur, ben on aura, pour entre guillemets faire progresser la bande dessinée, si on veut vraiment la vivre, entre guillemets également, eh ben on va devoir cheminer aussi à l'intérieur de labyrinthes. Donc, côté récit, c'est assez simple, c'est un récit qui est vraiment très très basique entre guillemets. Donc on a deux sœurs, Elisa, Selma. Ils sont perdus dans une vallée, elles retrouvent plus le chemin pour aller chez eux et veulent retourner chez eux. Alors ils vont rencontrer deux bibites, Sténos et Entonnoir, qui vont les amener vers une troisième bibite, si on peut dire, donc des créatures de cette vallée-là. Cette troisième créature-là va leur dire, bah, regardez, moi je peux vous aider à retourner à la maison, mais je n'ai plus les ingrédients, je n'ai plus l'outil qui va me permettre d'y aller. Alors elle va leur donner une première quête, ils vont accomplir cette première quête-là, ensuite vont essayer de la retrouver, vont accomplir une deuxième quête, etc., etc. Donc, on y va un peu dans cette structure-là, et éventuellement pour se retrouver vers le chemin de la maison. Ce qui est intéressant, c'est, bon, oui, en fait, l'écriture est sympathique, c'est même l'esthétique de l'album, c'est, il y a un côté très très, très, bon, c'est jaune, c'est jaune-noir-blanc, c'est déjà un peu surprenant comme choix. Des dessins qui sont un peu plus entre naïveté, simplicité, minimalisme et bizarrerie. Donc, on joue un peu avec les degrés, mais donc, c'est quand on arrive implicitement aux pages de labyrinthe que là, on découvre le côté ludique parfaitement assumé de cet album-là, le côté absurde qui l'est déjà d'emblée, mais le côté ludique qui est aussi bien affirmé et où on se rend compte que, ben, pour poursuivre la BD, pour vraiment définir le parcours, ben c'est un peu nous qui va avoir à déterminer par quel chemin, dans le fond, les personnages réussissent à se rendre pour passer à une page suivante et à une page suivante et ainsi de suite. Donc, on a un peu des casse-têtes, on peut dire. Évidemment, on peut choisir de ne pas les faire, mais on perd un peu de l'intérêt dans ce cas-là de cette BD-là. Parallèlement, on peut aussi simplement apprécier le côté, le travail, la recherche visuelle pour en venir justement à intégrer ce type de page-là au récit de l'album. Et il y a quand même une variété aussi, c'est pas toujours des labyrinthes de dessus, il y a une variété des concepts, donc on sent que il y a pas non plus une répétition qu'on intègre et on se dit, ben ok, on a trouvé une bonne idée, on va la refaire 5 fois. Là, on la refait 5 fois, mais 5 fois de manière suffisamment différente pour qu'on n'ait pas l'impression comme lecteur qu'il y a une redondance excessive. On s'attend à ce qu'il va y avoir d'autres labyrinthes, mais on en découvre en cours de route la forme, et donc ce qui fait que notre attention, elle, demeure sollicitée. Alors, c'est pas nécessairement une BD qui réinvente le monde ni quoi que ce soit, là, on s'entend, mais par contre, si vous avez l'occasion de la voir en librairie, je vous encourage fortement à la feuilleter, à regarder un peu cet univers-là, à regarder cette proposition-là, un peu comme Alcibiade. Je pense que je vous avais dit essentiellement la même chose, et je le répète avec celle-là, donc feuilletez-la, jetez un coup d'œil, et peut-être que vous allez un peu comme moi être, disons, agrippé par le côté original de ce produit BD-là. Alors, c'est d'Alex Chauvel, ça s'appelle Elisa et Selma, La Vallée des Trolls, et c'est du côté des éditions La Joie de lire. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Alors, on poursuit, en fait, dans ce doublé qu'on vous offre cette semaine autour des éditions mécaniques générales. Alors, une autre publication qui est arrivée tout récemment, un petit livre rouge-rose qui s'appelle Les Petites Choses, c'est d'Anna Roy. Et l'auteur est avec nous en studio pour en discuter. Anna Roy, bonjour. Bonjour. Alors, ben essentiellement, en fait, Les Petites Choses, si on essaie de le résumer en quatre mots, j'aurais tendance à dire que c'est un livre qui est consacré au petit bonheur du quotidien. C'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est ce genre de bouquin où on se dit l'auteur s'est fait plaisir en écrivant ça aussi. C'est ce genre de truc qu'on écrit avec le sourire. Oui, puis c'était parti avec un projet d'école. Je devais choisir un projet personnel. Je savais que je voulais travailler sur un livre, mais sans savoir par où commencer. Puis finalement, j'ai décidé de me gâter puis de vraiment juste illustrer finalement les choses qui me font du bien personnellement. Donc, c'est un peu une décision spontanée. On s'est dit, tant qu'illustrer quelque chose, soyons pas cyniques, soyons pas pessimistes. Essayons de voir dans la vie, au jour le jour, ben, qu'est-ce qui te fait sourire, qu'est-ce qui rend heureux, finalement. Exactement. Fait que c'était vraiment un projet bonbon. Ça fait que j'ai vraiment aimé ce que je faisais tout le long de la conception. Puis je pense qu'au final, c'est ça qui paraît dans le travail à la fin. Parce que c'est ça. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, on obtient souvent les meilleurs résultats. Donc, voilà. Oui, puis en fait c'est, en même temps, il y a un petit côté statement là-dedans, parce que on a l'impression que c'est les grandes choses qui nous rendent heureux, puis dans le fond, tu nous rappelles un peu en disant, ben non, là, c'est les petites choses qui comptent pour vrai, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est drôle, on dirait que... Ben, tu sais, ça, j'ai le nez dedans habituellement, là, puis... Mais ça fait vraiment du sens, finalement, ce que tu me dis là. pour donner une idée peut-être aux gens, en fait, on passe d'être enseveli par un tas de bébés lapins, à être assis du côté du hublot en avion, se baigner tout nu, se trouver beau devant le miroir, réussir à monter un meuble Ikea, écraser des bulles, du papier bulle. Donc, ça donne une idée. On va de l'absurde à l'intime, du psychologique au physique, si on peut dire. Mm-hmm. Donc, on joue avec beaucoup de dimensions. L'idée, c'était d'avoir une variété quand même aussi là-dedans. Oui, mais c'est ça, étant donné que c'était des pas des répétitions, là, mais des énumérations, je voulais quand même créer un genre de rythme, créer des effets de surprise. Donc là, en tout cas, j'espère avoir surpris les gens avec des petits bonheurs un petit peu plus absurdes, là, finalement. Puis sinon, ben, y en a des super, super simples, juste garder ses plantes en vie, voilà. Et comment la liste s'est bâtie, justement, parce qu'il y en a quand même pas mal là, de petits bonheurs là-dedans. Est-ce que tu t'es installée à Mané et tu te dis « qu'est-ce qui me rend heureuse » ou Ouais, ben dans le fond, c'était puisque c'était avec un projet d'école, aussi j'avais un professeur qui s'appelle Paul Turgeon, qui est illustrateur aussi. En fait, il était chargé de cours à l'UQAM, il l'est toujours d'ailleurs. Puis c'est lui qui nous a encadrés dans nos projets, donc chaque étudiant, finalement, avait son projet personnel. Puis, moi, je suis arrivée avec ça. Donc, on s'est ajusté avec mon concept de base, là, finalement. Donc, à chaque semaine, j'arrivais avec des tonnes et des tonnes de dessins. D'autres jours, non, c'est pas vrai. Il y a des semaines, j'arrivais avec pas beaucoup de dessins, parce que, l'inspiration est pas toujours égale. Mais c'est ça, avec les semaines qui s'accumulaient, j'avais une pile, là, d'illustrations. Puis là, ben, on s'installait à la table, on mettait tout ça étalé, puis on pouvait vraiment jouer, aller dans déplacer, les mettre aux bons endroits, voir si ça faisait des suites intéressantes ou plus ou moins. Puis c'est ça, on en a éliminé, on en a rajouté. Puis à la suite de ça, quand Renaud de Mécanique Générale m'a approché, puis que j'avais déjà ça d'entamé, c'était déjà plus simple de commencer aussi, là. Donc, on est parti de ça, qui avait déjà une base assez solide, puis on en a juste rajouté pour être certain que les lecteurs en aient pour leur soif d'illustration. Et j'ai l'impression, en fait, que ça reste aussi un défi de bien présenter les choses là-dedans, parce qu'essentiellement, je le voyais aussi un peu en termes de contraintes, tu me diras oui ou non, mais dans le fond, t'as un dessin, généralement, c'est un dessin plus réduit, plus petit. Bon, tu te permets quand même des doubles planches à quelques endroits. En termes de mots, on n'y va pas avec des longues phrases, c'est 3, 4 mots, 2 mots, ça, le plus bref et le mieux, si on peut dire. Donc, c'est un effort de concision quand même assez intense, là. Oui, mais c'est drôle que tu me dis ça aujourd'hui, parce que hier, au lancement qui est à Montréal, j'ai des gens qui me faisaient la remarque, puis j'avais vraiment pas remarqué avant. Je pense plutôt que ça vient de ma façon de dessiner, de penser, j'imagine. Puis je pense que ça vient aussi que je suis quelqu'un d'assez minutieux dans la vie, puis généralement, j'avais en fait, avant ce livre-là, j'avais jamais le temps de finir mes illustrations parce que je pouvais en passer des heures puis remettre mes trucs en retard tout le temps. Alors là, je savais que j'en avais beaucoup à faire. On dirait que mon cerveau, c'est comme conditionné à devenir plus efficace, raccourcir. Tant mieux si ça a été simplifié puis que ça fait la job. Oui, ça réussisse à fonctionner dans le fond, qu'instinctivement on réussisse, parce que ton concept dans le fond pour toi il était clair aussi, j'imagine. Mm-hmm. Quand tu t'es lancé, tu savais un peu ce que ça devait donner, à tout moins pour le projet scolaire, à peu près. Mm-hmm. Ça, le reste a suivi un peu instinctivement aussi à travers tout ça. Oui, c'est ça, c'est un beau mélange de d'y aller au feeling, puis de pas se donner trop de restrictions, puis, mais ouais. Et côté dessin, en fait, c'est d'abord sur papier, ensuite numérisé, retouché? Oui, exactement. Puis c'est drôle parce que quand j'avais fait ma technique au cégep de Sainte-Foy, on avait tendance à... Puisqu'on apprenait les logiciels, on avait tendance à aller directement à l'ordinateur. Je me rappelle de mes profs qui me disaient « Mais non, commence sur le papier, mais... » On dirait qu'on voulait toujours brûler des étapes. Mais là, c'est ça. Quand je suis retournée à l'UQAM, on dirait que... Au début, je sentais que nos profs nous forçaient un peu à retourner au papier, puis ils ont vraiment bien fait d'insister, parce que maintenant, je dessine toujours sur papier en commençant, puis ensuite, c'est ça, je vais numériser, puis je vais faire des retouches au besoin, mais ça, tout est là sur papier. Et toujours dans un style qui est quand même aussi, je parlais de concision, qui est assez minimaliste à certains égards. Dans le fond, c'est mm-hmm. des traits, des expressions, mais on tombe pas dans un niveau de détail absolu, on y va dans l'essence, dans le fond du dessin. Exactement. Oui, je pense que si je m'étais donné trop de choses à illustrer avec des détails puis des perspectives, j'aurais juste jamais terminé. Et en même temps, j'ai l'impression que ça reste dans la suite un peu de ton travail d'illustration. En fait, pour te situer, peut-être qu'Anna Roy, c'est un nom qui évoque quelque chose aux auditeurs, auditrices. J'ai l'impression que ça s'est un peu explosé côté illustration assez rapidement. Enfin, en 2015, t'es passé à Puce Pop. Ensuite, là, la boutique en ligne. Et subitement, il y a pas mal d'images sur Instagram ailleurs qui ont été partagées. Ton t-shirt Namaste Kalis qui a vraiment, t'sais, comme été récupéré à gauche, à droite. Donc, c'est un peu, pour ceux qui te connaissent, un peu la continuité de ce travail-là. Ben oui et non. Oui, parce que, je veux dire, je pense que ce que je fais, ça reflète beaucoup ma personnalité. Puis bon, je suis la même personne depuis l'année passée. Mais oui, je pense que en général, j'essaie de me concentrer sur les petits plaisirs, puis d'essayer de pas trop m'en faire, parce que je suis du genre à beaucoup m'en faire. Puis donc, oui, ça peut faire un lien avec l'évolution de mon travail. Mais encore là, c'est ça, ça fait comme 2 ans environ que je travaillais là-dessus. Donc, mais je pense que c'est vraiment le livre qui m'a permis de développer mon style, puis justement de me trouver un peu, genre, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou pas. Dans le fond, c'est lui la constante. Je pense que c'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui a amené, parce que tu disais, dans le fond, c'est Renaud des Éditions Mécaniques Générales qui t'a approché pour le livre, ou c'est... Oui, c'est ça, puis il m'a approché dans le temps de Noël passé, quand là, j'étais dans mon rush de... Je vendais plein de sacs d'amas de colis. puis c'était comme mon rêve de faire un livre, donc c'est sûr que je pouvais pas ignorer ça. Je veux dire, je devais vraiment participer au projet, mais j'étais pas dans la capacité de le faire pour le moment. Puis on s'est recontacté là après le temps des fêtes, quand le buzz des ventes de fêtes a passé là. Donc on a pu travailler là-dessus janvier, février. Mm-hmm. Et à travers tout ça, j'ai l'impression que ça montre aussi, parce qu'il y a une jeune génération d'auteurs, d'illustrateurs qui utilisent les médias sociaux. Toi, dans ton cas, c'est beaucoup Instagram, j'ai l'impression. Mm-hmm. Des images qui sont beaucoup diffusées, partagées, etc., que ça devient un peu un moteur pour se faire connaître, pour faire accélérer peut-être un peu le processus de création, le processus de commercialisation dans le cas de l'illustration, de faire un brand. Rapidement, t'as pu passer comme travailleuse autonome. Est-ce que t'as l'impression que c'est les médias sociaux qui ont aussi donné peut-être ce push additionnel-là? Oui, définitivement. Là, c'est... Puis à la base, moi, j'avais commencé Instagram pour me pratiquer à faire des compositions d'images, travailler les masses de couleurs. Puis là, après, je faisais des petits dessins en joke. Puis je me disais, tant mieux si, je sais pas, moi, 15 de mes amis qui vont le voir, puis ça les fait sourire. Puis je m'en suis tenue à ça. Mais je me suis rendu compte que ça rejoignait plus de gens, pas juste mon entourage, finalement. Donc, oui, ça a pris vraiment une ampleur que j'aurais jamais imaginé, finalement, grâce aux réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est quand, en fait, parce que je faisais parler peut-être avec d'autres, je me disais, c'est peut-être parce que quand tu te lances, tu y vas pas dans l'idée de, hey, on va faire des trucs viraux, on se fait des trucs, puis ça s'adonne à devenir viral. C'est que si on y va avec l'idée que ça va devenir viral au départ, on dirait qu'on n'a pas la spontanéité nécessaire, peut-être, pour réussir à bien proposer des trucs qui sont plus... Puis c'est vrai, puis j'ai vraiment l'impression que quand c'est trop forcé, les gens le ressentent aussi, puis on n'aime pas vraiment ça, généralement, je dirais. Mais puis même avec Jimmy, on s'en parlait tantôt, quand on se donne la peine de faire vraiment une illustration, puis on prend du temps, puis qu'on réessaye, ben c'est pas au point, mais au final, c'est pas notre meilleur, généralement, parce qu'on est trop forcé, tu sais. Fait que souvent, mes meilleures illustrations, c'est toujours comme quand je les ai faites en 5 minutes ou... C'est vraiment rapide avec le feeling du moment. Est-ce que c'est un peu pour ça qu'instinctivement, tu t'es imposé un rythme de création peut-être un peu plus ardu pour le livre, sachant que t'avais pas envie d'avoir trop de recul sur... Ouais, c'est vrai, je pense que c'est ça. Puis, ouais, c'est exactement ça, en fait. Puis même ensuite, quand j'en avais une pile de faits, là, j'essayais de pas trop les retoucher parce que c'est tentant d'aller arranger le petit rose qui dépasse de la ligne mais je pense que si c'est constant du début jusqu'à la fin comme ça, je pense que ça fait aussi sa beauté là. Oui, parfait. Après ça devient un défi plus d'organisation, de créer un rythme de lecture. Mais en même temps, des ouvrages comme ça, je veux dire, on peut en lire un par jour, on peut les lire, le feuilleter super rapidement. Ça, on dirait que c'est peut-être un peu l'avantage de la BD. On choisit le rythme de lecture qu'on veut, moi comme lecteur, et toi comme auteur, en fait, est-ce que t'as une manière par laquelle, toi, ce livre-là, t'aimes le lire dans le rythme, dans le... C'est certain que, ouais, étant donné que j'ai pris du temps à essayer de les mettre en ordre pour que ce soit quand même le fun à feuilleter, j'ai tendance à le regarder dans l'ordre, mais en même temps, je sais pas, on dirait que parfois même je vais oublier ce que j'avais fait moi-même, puis je vais juste ouvrir une page, faire ah ben oui, puis là, bon, on dirait que avec cette page-là, je vais juste me rappeler que finalement ça peut être simple, les petits bonheurs. Oui, dans le fond, c'est un peu à deux niveaux, un peu. À travers, dans le fond, un ouvrage qui est fondamentalement positif. Il faut le dire, il faut le redire aussi. Je pense que c'est la nature vraiment de cette bête-là. Et est-ce que c'est un peu le reflet de la perspective que toi t'essaies d'avoir sur l'existence aussi? On en parlait un peu donc au départ, mais peut-être si on revient un peu là-dessus, est-ce que c'est un peu l'outlook qu'on dit à Narwa, mais c'est une optimiste à laisser de voir à travers ça? Parce que c'est un peu ton illustration aussi, c'est un peu ça dans ce que j'ai vu à date. Est-ce que c'est le reflet de ta vision des choses aussi? Oui, même plus que je le crois, j'ai l'impression. Puis j'ai tendance à être quelqu'un de très sensible, même trop parfois. Donc, c'est sûr que les choses négatives, oui, ça va me toucher aussi. Mais je me dis, OK, je peux me laisser affecter facilement par des événements, mais je vais me laisser au moins me laisser toucher par des événements positifs aussi. C'est important. Donc, oui, je vais accepter que je peux être comme à l'envers pendant des jours concernant quelque chose, mais je vais aussi en profiter puis vraiment être contente si je mange un bon pamplemousse le matin. Je pense que c'est ma façon d'aller équilibrer les choses puis de me sentir mieux. J'imagine que c'est pas nécessairement un exercice que tu aimerais répéter avec, par exemple, les 100 trucs, mais qui nous font déprimer au quotidien ou les 100 malheurs, les petits malheurs. J'ai vraiment pensé en plus. Pour vrai, ça me trotte dans la tête depuis quelques mois là, mais c'est ça, je sais qu'il y aurait il y aurait un moyen aussi de le rendre vraiment humoristique, puis je pense qu'on pourrait tous se sentir compris aussi. Donc je pense que même si je faisais les petits malheurs, ça pourrait rester positif parce qu'on pourrait tout se dire qu'on l'a déjà vécu puis qu'on se donne une petite tape sur le bon. Et je pense que t'amènes, Anna Roy, un peu vers ma dernière question, dans la mesure où j'ai l'impression les petites choses c'est aussi, puis peut-être que tu l'as vécu aussi beaucoup avec les médias sociaux, entre autres. C'est un partage. En fond, c'est l'idée qu'à travers ces trucs-là, bon, à part peut-être être enterré par des lapins, mais sinon, la balance des trucs, c'est des choses que soit on a vécu, soit on connaît quelqu'un qui vit, soit... Donc, c'est un peu une espèce de plaisir de partager, dans le fond, ces impressions-là avec tes lecteurs, soit directement, soit indirectement. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, j'aime juste ça, l'idée de... justement, oui, qu'on se partage notre façon de voir les choses. Puis si ça peut... aider les gens justement à être plus à l'affût de leur quotidien puis des petites choses qui arrivent à tous les jours, ben tant mieux. Alors, ça s'appelle « Les petites choses » d'Anna Roy. Anna, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et je rappelle, le livre est disponible du côté des éditions Mécanique Générale. Dernier extrait, le Bienvenue en Fanville de Philippe Braque. Peut-être mini-mention au passage, parce que ça fait super longtemps qu'il est sur ma pile, cet album-là. Je l'ai reçu comme en fin de saison l'an dernier. Club Sandwich de Sviane, un peu dans l'esprit de Pain de viande avec dissonance, en fait, où Sviane nous proposait, dans le fond, une série une série d'histoires courtes qu'elle avait réalisées dans le cadre des 24 heures de la bande dessinée d'Angoulême. Et là, c'est un peu la suite. Donc, pour rappeler les 24 heures, essentiellement, c'est un défi assez ardu qui est offert aux BDistes une fois par année. Donc l'idée, c'est de faire essentiellement une page par heure et une histoire de 24 planches dans le fond, en fonction d'une contrainte qui est établie. Et dans Club Sandwich, tout comme dans Pain de viande, Sviane nous expose un peu la contrainte qui a été donnée. On découvre ensuite l'histoire qu'elle en a tirée. Et ça donne des albums, des compilations, des recueils quand même qui vont vers la gauche, vers la droite, qui tirent un peu partout en termes d'histoire, en termes d'ambiance, avec un côté très spontané aussi dans les histoires. Côté spontané qui, dans le cas de Sviane, l'amène beaucoup vers un humour à tendance un peu absurde. Donc, 5 histoires qui n'ont pas de lien entre elles au-delà de cette contrainte de création, si on peut dire. Et ça donne un album qui est tout comme Pain de viande, donc, de manière générale agréable à en ressortir. Évidemment, il y a des histoires qui nous marquent un peu plus. Par exemple, il y en a une sur ce qui fait l'amitié dans un groupe, mais autour justement de la création à chaque année d'un igloo à l'intérieur du salon. Et ça amène des discussions sur l'amitié. Il y en a une autre où essentiellement, il y a une réflexion sur ce qui est de dessin et dessin, sur le fétichisme à travers le fait qu'on se présente la paume droite dans une société où c'est vraiment interdit. On ne se présente pas la paume droite. Donc, des éléments comme ça, et ça donne un tout qui est agréable, qui est sympathique, qui se découvre bien, et je vous le mentionne au passage, là, c'est pas le meilleur de Sviane, il y a l'école aussi, d'ailleurs, qui est sortie chez Mécanique Générale, qu'elle va chercher les premiers albums qu'elle a réalisés, mais reste que Club Sandwich est aussi, pour les amateurs de cette jeune et sympathique auteure, une lecture fort pertinente. Alors, c'est aux éditions Pow Pow, donc Club Sandwich. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, on jase avec Robert Marcel Lepage autour du fil initiatique et Valérie Boivin autour de 752 Lapins. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL. C'était Raymond Poirier au micro.